défense, moi je passe par le criminel. Arrête de faire le dur, poto, je vais t'éliminer. À la bombe, dire que c'est mort, pour moi c'est pas terminé. Eh, tu finiras par reconnaître. Moi je suis pas comme lui, je peux pas t'abandonner. Malgré les ennuis, malgré tout ce que j'ai commis. Lucien comique, tu vaux mieux que ce mec. Habiba, t'es ya. J'aimerais jusqu'à la mort, même si des fois c'est tendu. Habiba comme une ombre, je te laisserai jamais tomber. Quel que soit leur nombre, pour toi j'irai les plomber. J'aimerais jusqu'à la mort, même si des fois c'est tendu.